Continuons dans l'étude de 2 Samuel, dans la vie de David. Nous arrivons au chapitre 13. David, le grand roi d'Israël, cet homme selon le cœur de Dieu, comme il est appelé par trois fois dans la parole, cet homme que nous avons vu avec surprise, stupéfaction peut-être pour certains, tomber dans de grands péchés. Nous avons vu comment, déjà à l'apogée de sa gloire, à l'âge de près de 50 ans, on pense, il s'est tenu à l'écart du champ de bataille, là où il devait être, et il a été tenté par la vue d'une jeune femme qui se baignait, Bathsheba. Et là, laissant cours à son désir pour elle, il l'a invitée, il a commis l'adultère avec elle, elle qui était mariée. Il a essayé de cacher son péché en faisant revenir le mari de cette femme, Uri, le Hittite, à Jérusalem pour l'encourager à passer du temps avec sa femme, et en fait voyant que cet homme n'était pas prêt à passer du temps avec sa femme pendant que ses amis, ses camarades en armes combattaient, comment David a décidé de l'envoyer à sa mort. David est devenu non seulement adultère, il est devenu meurtrier. Il a envoyé cet homme à sa mort en demandant à Uri, cet homme, de porter lui-même un papier, une lettre pour le chef des armées, Joab, lui demandant d'envoyer Uri au plus fort du combat. C'est ce qui se passe, et suite à ça, David épouse Bathsheba et l'enfant naît, mais l'enfant est malade et l'enfant meurt. David pense que il a pu cacher son crime, ses crimes, mais à la fin du chapitre 11, nous avons vu ces mots terribles, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Notre but dans la vie, c'est de faire tout ce que nous pouvons pour plaire à l'Éternel. Et lorsque nous lui déplaisons, nous nous exposons à sa correction. Parce que, en tant que père, il ne veut pas nous détruire, il veut nous corriger. Et il est confronté par le prophète Nathan. Nathan qui a la dure tâche de lui faire avouer et confesser son péché, ses péchés. Nous avons vu comment il utilise une allégorie de deux hommes, dont un avait été un riche propriétaire qui avait plein de brebis, sous-entendu David qui avait toutes ses femmes et concubines, et qui avait été prendre parce qu'il avait été visité par un voyageur. Ce voyageur, c'était une allégorie du désir de David. Il avait été prendre la petite brebis d'un pauvre homme qui n'avait que cette brebis. Sous-entendu Bathsheba, la seule femme de Uri le Hittite. Et on a vu comment David, en voyant le péché, ses péchés chez un autre, fictif, mais pour qu'il pensait que c'était un cas réel, et comment il s'emporte et qu'il dit que cet homme doit être puni, il doit repayer quatre fois, il doit être mis à mort. Et c'est là que Nathan lui dit, David, tu es cet homme. Et là, David est transpercé au plus profond de son âme. On sait que d'après ses psaumes, il souffrait de sa séparation que son péché avait mise en place avec Dieu. Il souffrait physiquement même. Il transpirait, il dormait mal, il cachait. Il a expliqué ça dans le psaume 32 et 51 que nous avons vu ensemble. Et David, parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, qui avait une vraie relation avec Dieu, confesse, il dit, « Oui, j'ai péché contre l'Éternel. » Et avant même qu'il ait terminé sa confession, Nathan lui l'informe que le pardon de Dieu est déjà à l'œuvre. Avant même la fin de la confession, Dieu pardonne le pécheur qui se repent. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle pour chacun d'entre nous. Et Nathan lui explique que si le péché est pardonné, il n'en demeure pas moins que le péché a des conséquences que le pardon n'efface pas. Et ça, c'est un avertissement qu'on trouve dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous avons à faire face aux conséquences de nos péchés. Si nous tuons quelqu'un, sa famille peut nous pardonner, mais la personne reste morte. Si nous faisons des trous avec un marteau et des clous dans un mur, on peut retirer les clous, mais le trou reste. Le péché, on ne peut pas effacer ses conséquences. Nous verrons après comment on peut vivre dans cette période de correction que le Seigneur nous demande ou nous inflige, parce que ce sont des lois spirituelles. On récolte ce qu'on sème, on récolte plus tard, on récolte de la même nature, on récolte en plus grande quantité. Ça, Paul nous le rappelle dans Galates 6. Et nous allons voir maintenant dans les chapitres qui viennent la récolte du péché de David. Chapitre 13, nous allons lire ensemble un terrible épisode. Après cela, page 324 dans la Bible à la Colombe, après cela, voici ce qui arriva. Après cela, c'est après toutes ces horreurs, après cette confession, après cette annonce du pardon, mais cette annonce que les conséquences allaient subsister, n'allaient pas être gommées, effacées, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jéhonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jéhonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi parais-tu ainsi chaque matin plus misérable ? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. » Jéhonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Oh, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » Avide envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre et je me nourrirai de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irais-je, moi, avec mon déshonneur, et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, par le roi, il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit « Lève-toi, va-t'en !» Elle lui répondit « Non, car me chasser serait de me faire un mal encore plus grand que celui qui m'a déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit « Chassez-moi celle-là dehors et verroute la porte derrière elle. » Elle portait une tunique multicolore car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en aide parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Arrêtons-nous là pour commenter un peu cette sordide affaire d'inceste. Si vous tournez au chapitre 3 de 2 Samuel, on explique un peu la situation familiale de David. Lorsqu'il était à Hébron, chapitre 3, verset 2, il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Aïnoam de Jizréel. Donc ça, c'est l'aîné, Amnon. Le second, Kileab d'Abigail, la femme de Nabal de Carmel. Vous vous souvenez de cet épisode, il avait épousé cette femme belle et intelligente. Et puis le troisième, Absalom, fils de Maka, fils de Talmaï, roi de Geshur. Quatrième, Adonia, dont on parlera plus tard, et ainsi de suite. Il y avait donc Amnon, l'aîné, et puis il y avait deux enfants de cette femme, Maka, qui devait être une très belle femme, parce que ses deux enfants, Absalom et Tamar, sa sœur, étaient apparemment d'une grande beauté. On sait qu'Absalom était réputé, on le verra plus tard, pour sa beauté, pour ses longs cheveux, sa prestance. Et là, apparemment, la sœur de Tamar était une grande beauté, au point que l'héritier du trône, Amnon, était tombé amoureux d'elle, au point qu'il en était malade. Il aurait voulu l'épouser, mais ça, c'était pas possible, parce qu'elle était sa sœur, sa demi-sœur, c'est-à-dire qu'il y avait des mères différentes, mais le même père. Et dans les prescriptions du Lévitique, de Deutéronome, on sait qu'il était interdit d'épouser une sœur ou un frère. On sait maintenant qu'il y a de bonnes raisons génétiques à éviter ces choses. Et donc l'inceste était absolument condamné. Et c'est intéressant parce que le nom de ces trois enfants dont il est question dans ce début de chapitre 13 ont tous une signification qui n'a pas été respectée. Amnon, ça veut dire celui qui est fidèle, celui qui est stable. Il a été loin de ça. Absalom, vous reconnaissez le mot Abba, père. Shalom, la paix de son père. Il a été loin d'être la paix de son père, comme on va le voir par la suite. L'affaire va se compliquer. L'épée, vous vous souvenez, le prophète Nathan avait promis que l'épée n'allait pas départir, n'allait pas s'en aller de la maison de la famille, de la dynastie de David. Et c'est le cas. Et finalement, la pauvre Tamar, son nom signifie le palmier ou la palme, et c'était un symbole de fécondité, de produire du fruit. Et on va voir que suite à cet inceste, elle est, pour ainsi dire, reléguée à vivre une vie de célibat. Il est dit que Jonadab, ou Yehonadab, avait été l'ami de Amnon. Et ça, il faut se méfier de ce genre d'amis, des amis qui vous poussent à commettre des péchés. Si vous fréquentez des personnes qui vous encouragent toujours à faire des choses que vous savez ne pas être bien, fuyez-les, ne les fréquentez plus. Des amis comme ça, on s'en passerait. C'est lui qui va mettre en branle toute cette terrible et sordide histoire. Il remarque que Amnon a vraiment mauvaise mine. Chaque matin, il lui voit le visage défait, la tête de travers. Il lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et Amnon lui dit, c'est parce que je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il est sous l'emprise du... Ce n'est pas de l'amour, on le verra plus loin, on l'a vu dans le récit, c'est du désir sexuel. Il veut pas de l'amour, il veut du sexe. Et ça nous aveugle, ça peut nous aveugler. Parce que il dit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère. Et il ne peut pas reconnaître que c'est aussi sa sœur. Il est aveuglé et il ne va pas raisonner logiquement. C'est ce qui se passe lorsqu'on est sous l'emprise d'une passion, que ce soit l'alcool, le désir sexuel, le désir d'argent, le désir de colère, de vengeance. Il y a un aveuglement qui fait que nos facultés intellectuelles sont court-circuitées. La sœur de mon frère, est-ce que ce n'est pas aussi ma sœur? Pas pour lui. En plus, c'est une justification d'éprouver ce désir, car il sait que l'inceste est condamné moralement par la parole, par Dieu lui-même. Et ça montre la puissance du désir qui est capable de tordre la réalité des choses et nous faire penser que ce que nous voulons faire est justifiable, logique ou désirable. Il donne un stratagème à Amnon sans avoir besoin d'aller jusqu'au bout et lui dit simplement, si tu dis que tu es malade et que tu demandes qu'elle vienne te réconforter en t'apportant un peu à manger, ton père va lui dire de venir. Et là, il n'a pas besoin de lui dire la suite. Entre eux, apparemment, ils ont déjà compris. Peut-être parce qu'ils ont les mêmes problèmes de moralité et d'impureté sexuelle dans leur cœur. Et donc, Amnon va prétendre être malade pour arriver à être seul avec sa sœur, la sœur directe de son frère Absalom, mais c'est aussi sa sœur. Et on est un peu surpris de voir le roi David, qui était pourtant un homme très, très sage, très avisé, qui avait pu combattre le roi Saül pendant des années, arriver à établir un grand royaume, à établir la paix avec des rois de pays avoisinants, et un génie politique, un génie guerrier. Et là, il est complètement aveuglé vis-à-vis de ses enfants. On reviendra sur ce phénomène plus tard. Et le roi se fait berner, on lui dit que son fils est malade, il le voit plutôt. Et c'est vrai qu'il a mauvaise mine, rappelez-vous. Et donc le roi pense que oui, c'est une bonne idée, je vais dire à ta sœur qu'elle vienne te réconforter. Et cette pauvre Tamar, qui sans doute avait remarqué les assiduités de Amnon et pour ainsi dire forcée par son père de se prêter à ce jeu. Et donc elle va préparer ses gâteaux Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot qui veut dire les gâteaux du cœur. C'est peut-être un gâteau en forme de cœur. C'est du moins quelque chose qui est préparé avec amour. Elle avait sans doute peut-être de la méfiance, parce qu'elle avait sans doute remarqué que ce frère la regardait de façon drôle ou bizarre. Peut-être qu'il avait déjà fait des allusions. Except qu'il avait, il est dit qu'il avait fait sur elle encore là. Il n'avait fait aucune tentative d'approche, de lui dire sa passion. Mais là, finalement, il met à la porte ses serviteurs et il lui demande de venir dans la chambre. Et une fois qu'elle est seule avec lui, le masque tombe et il lui dit « Viens coucher avec moi, ma sœur. » Elle est, verset 12, elle est choquée et elle lui dit « Ne fais pas ça. » Et elle lui dit qu'en fait, on ne doit pas agir comme ça. Elle lui rappelle que la parole de Dieu, sans la nommer, ne permet pas un tel acte. On n'agit pas ainsi en Israël. Et elle lui dit même « Ne commets pas cette folie. » Elle réalise en fait que ce serait pure folie. Et verset 13, elle lui dit « Les conséquences, ce serait que moi, je me retrouverais dans le déshonneur. N'étant plus vierge, je serais comme une paria, je ne pourrais pas trouver un autre époux. » La virginité était très importante, contrairement à notre époque. Et pour une femme qui n'était plus vierge, il était très difficile de trouver un mari. Une des parties de la cérémonie du mariage, c'était de prouver, comme une célébration de fête, que l'épouse était vierge, en montrant le sang qui résultait d'une première relation avec un homme. Et là, elle lui dit « Moi, je vais avoir à vivre avec mon déshonneur, ma honte pour toujours, et toi, tu seras pris pour un fou. » C'est vrai que la passion peut nous conduire à faire des choses qui nous paraissent logiques et valables et intelligentes, alors qu'en fait, c'est de la bêtise absolue. Et elle lui dit, ne fais pas ça, tu vas devenir considéré comme un fou en Israël. Verset 13, elle ajoute, peut-être pour se protéger, tu devrais demander au roi, peut-être qu'il, si tu lui expliques la situation, peut-être qu'il acceptera que je devienne ton épouse officiellement. On sait qu'en fait, ce n'était pas du tout possible de par la loi, et c'était sans doute une manœuvre pour elle de calmer les ardeurs de son frère et d'échapper à ce qui n'est ni plus ni moins qu'un viol. Un viol par incestueux, une chose horrible. Une chose horrible qui continue de se produire de nos jours. Une chose qui fait beaucoup de mal, une chose qui est une chose terrible. Une chose qui peut être pardonnée, mais une chose qui, là aussi, laisse des conséquences terribles pour la victime et aussi sans doute pour celui qui commet un tel acte d'horreur. On vient d'écouter dans les nouvelles une affaire en Autriche absolument horrible de ce père qui avait séquestré une fille, une de ses filles avec qui il avait eu 7 enfants, sous la maison où il habitait, une vie normale avec sa femme. J'espère qu'on est encore complètement choqué par de telles nouvelles, mais il semble que de plus en plus des choses horribles comme ça deviennent des faits divers communs, courants. Et Dieu veut intervenir. Dieu veut le fait que ces choses puissent se passer, c'est pas parce que Dieu est impuissant, que Dieu ne prend pas soin, n'est pas témoin de ces choses. Dieu n'intervient pas encore, ne détruit pas, n'envoie pas sa colère sur de tels faits, sur de telles personnes, parce que c'est encore le temps de sa patience. Si parmi nous il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, des choses pour lesquelles ils doivent demander pardon, c'est maintenant pendant le temps de la patience de Dieu. Ne pensez pas que le laxisme de Dieu, plutôt que l'absence d'intervention divine, soit du laxisme de sa part. Ça, c'est la grande erreur de ceux qui pensent que, oh, oui, la Bible, tu parles, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu. Non, Dieu va rétribuer les justes et les injustes, et ça arrive. Elle est violée, on voit qu'il n'y avait aucun amour de la part de Amnon vis-à-vis de sa sœur, c'était simplement un désir sexuel, purement sexuel. Pourquoi ? Parce que dès qu'il a commis cet acte, il est dit, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Apparemment, les psychologues connaissent ce phénomène, c'est le rejet de la personne avec qui on a commis un péché. Elle pouvait penser que, puisqu'il l'avait impliqué dans cette affaire, qu'il lui montrerait de la sollicitude, qu'il l'aiderait, mais au contraire, cette personne, la vue de cette personne lui rappelle, le renvoie à son propre péché, à son propre manque d'intégrité devant Dieu. Et il veut qu'une chose, c'est écarter cette personne. Et donc il la chasse, il ajoute au viol l'exil. Il la repousse, le rejet complet. Il appelle même son serviteur pour lui dire de la chasser. Chassez-moi celle-là, celle pour à qui il vient de prendre la virginité, son plus grand bien en tant que jeune fille de roi. Il la traite comme un chien, il la rejette. On peut imaginer cette porte qui claque derrière elle. Et il est dit qu'elle portait un vêtement, une tunique multicolore. C'est un peu comme celle que portait Joseph. Là encore, on ne sait pas si la traduction se réfère vraiment à une multitude de couleurs, ou bien si c'était simplement que ça voulait dire qu'il y avait des manches longues et qui étaient en tout cas un signe de dignité. Et pour une jeune fille à la cour du roi, c'était de montrer qu'elle était une princesse encore vierge. Et là, elle déchire cette tunique et elle part en poussant des cris. On peut penser en fait que c'est l'exemple de David qui a commis cet acte d'adultère avec Bathsheba, qui a peut-être encouragé Amnon à entretenir ces désirs sexuels illicites et à se dire qu'on peut en tant que roi ou fils de roi obtenir tout ce qu'on veut. Je me rappelle, on parlait des fils de Saddam Hussein qui dans la rue pouvaient interpeller quelqu'un et avoir des relations sexuelles avec n'importe quelle femme, et qu'il pouvait même aller jusqu'à tuer les hommes qui étaient avec ces jeunes filles. Et là, 3000 ans plus tôt, c'était pas mieux. Amnon pensait qu'il avait tous les droits. Et on voit qu'en fait, c'était pas de l'amour, c'était de la violence sexuelle. Quelle est la différence entre l'amour et le désir sexuel? On connaît le grand passage de l'amour dans 1 Corinthiens 13. On va lire versets 4 à 8. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne succombe jamais. Une brève description de l'amour agapé, l'amour réel. Et ça commence par l'amour est patient. Et ça, pour les jeunes filles qui sont ici, parce qu'en général, c'est les garçons qui ont tendance à pousser les choses. Ne vous laissez pas bousculer au niveau des relations sexuelles. Les garçons vont vous dire « Je t'aime tellement que je veux voir des relations avec toi. En plus, tu sais que je veux t'épouser, donc c'est pas bien grave. Je t'aime tellement. Je t'en prie. J'en peux plus, tu sais. Tu es tellement belle. » Vous savez mieux que moi ce que les garçons sont capables de vous dire pour vous encourager à céder à leurs désirs. Tenez ferme et prouvez qu'ils vous aiment vraiment en leur demandant d'attendre. S'ils vous aiment vraiment, ils attendront. Ce ne sera peut-être pas simple. Mais ne laissez jamais un garçon vous forcer à avoir des relations avec lui sous prétexte qu'il en peut plus, qu'il est trop impatient. C'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Et s'il n'est pas prêt à être patient pour vous, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Parce que la première chose que la parole dit, c'est que le véritable amour est patient. Les psychologues nous disent que généralement, et je me méfie de la psychologie de salon, je ne suis pas psychologue, mais c'est intéressant, que ce que recherche en premier lieu une jeune fille dans une relation avec un garçon, c'est de l'amour. Les mêmes psychologues nous disent que la première chose qu'un jeune homme recherche dans une relation avec une jeune fille, c'est le sexe. Et que, pour faire avancer les choses, entre guillemets, le garçon va prétendre donner de l'amour, et vous, les garçons, la fille va prétendre être d'accord pour vous donner du sexe. Les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus. Je crois qu'il y a un livre. On est fait différemment, on n'a pas les mêmes priorités dans nos besoins. Mais ce qui est le terrible, c'est de croire que le garçon vous aime et en réponse à ce que vous croyez être de l'amour, vous lui donnez votre corps, alors qu'en fait c'est ce qu'il voulait et qu'il n'y avait pas d'amour. Vous retrouvez un peu comme des tamars. Vous n'êtes plus vierge, vous n'avez plus ce cadeau à faire à votre véritable époux. Encore une fois, on vit dans un monde où ça paraît tellement arriéré, tellement dépassé, tellement rétrograde. En fait, l'état de notre société est dû au fait qu'on n'a plus ce respect les uns des autres, qu'on n'a plus ce respect de cantonner les relations sexuelles au domaine du mariage. Le sexe est quelque chose qui a été encore une fois créé par Dieu. C'est l'idée de Dieu. C'est une chose divine. C'est une chose merveilleuse. Demandez à Nancy. Je plaisante parce qu'il faut dédramatiser. Il faut insister là-dessus. Et en tant que chrétien, vous devez être au courant de ces choses. Le sexe est une chose merveilleuse créée par Dieu pour un cadre unique. Celui du mariage, un homme et une femme qui s'engagent pour la vie, pas jusqu'à ce que l'autre ne lui plaise plus ou que les canons de la beauté aient été dépassés. Le sexe, c'est une idée de Dieu que le diable a essayé de détourner. Il détourne par la pornographie, il détourne par l'adultère, il détourne par le sexe en dehors du mariage. Il fait ces choses parce qu'il veut votre malheur. Et on vous dit, c'est la libération. On fête les 40 ans de 68. Là, c'était la libération sexuelle. Merveilleuse chose. C'est du baratin qui vient du diable. Bien sûr, il y a le plaisir instantané, mais il y a toutes les conséquences. D'abord, de se sentir coupable. Au fond de nous, nous savons que c'est mal. Au fond de nous, nous savons que nous rejetons Dieu parce que nous ne voulons pas qu'il juge nos démarches que nous savons être mauvaises. Et nous donnons, c'est la source des familles décomposées, recomposées, des parents célibataires. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de parents qui souffrent parce qu'ils se retrouvent seuls avec des enfants. Et croyez-moi, c'est pas du tout pour vous jeter la pierre. Je sais que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais si nous pouvons, par l'instruction et le respect de la parole, éviter les situations où vous devez vous retrouver à élever un enfant tout seul, alors la parole vous aura aidé. Et encore une fois, si vous êtes dans une situation où vous êtes seul avec un enfant ou plusieurs enfants, mon cœur va vers vous et nous voulons vous aider. Nous voulons être là pour vous. Nous voulons prier. Sachez que Dieu pardonne. Vous pouvez aussi trouver, Dieu peut vous bénir en vous donnant un mari pour la vie. Je m'insurge aussi contre certains chrétiens absolument légalistes qui ont fait croire à certaines personnes que parce qu'elles ont péché une fois et qu'elles se retrouvent avec un enfant, elles sont promises à rester toujours célibataires. C'est scandaleux que des gens se disent chrétiens et vous promettent le malheur ou vous empêchent de penser qu'un jour vous pouvez vous aussi avoir un compagnon pour la vie qui vous aime et qui vous respecte et qui veut vivre avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Ces sujets sont trop importants pour les balayer. Dieu a de bons plans pour vous et il y a un ennemi qui a de mauvais plans pour vous. Et il vous fait croire que de suivre Dieu, c'est se vouer à l'ennui, au malheur. C'est pas drôle de rester vierge jusqu'à ce qu'on trouve un mari. C'est du baratin. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus aucun respect pour le mariage. Même, malheureusement, parmi les chrétiens, le même taux de divorce. Parce qu'on est dans une société de consommation, on regarde sur un catalogue, on choisit en ligne, et quand ça ne marche plus, on prend autre chose, on rejette. On est passé à l'époque du jetable. On est passé à l'époque du Kleenex. Et gardez-vous, vous les filles, de vous faire utiliser comme du Kleenex. Quelque chose qu'on utilise pour son plaisir, qu'on rejette une fois le plaisir pris. Des sujets qui sont peut-être un peu, il y a parmi nous des jeunes, peut-être que c'est, j'aurais dû mettre un signe disant que c'était interdit au moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Mais c'est pas mauvais que vous soyez au courant. Parce que c'est cool de regarder les Playboy, c'est cool d'essayer de sortir, c'est cool de raconter les histoires. Mais c'est de la bêtise. J'allais employer un mot plus fort. Mais vraiment, sachez-le, Dieu a de bons plans pour vous. Attendez-le. Si vous êtes célibataire et que vous avez le désir de trouver un époux, attendez la personne que Dieu vous emmène, veut vous amener. S'il vous a donné ce désir d'être marié, faites-lui confiance qu'il vous donnera la personne pour satisfaire ce désir. Et on voit que, revenons à la parole, verset 20, tout de suite Absalom, le frère utérin, c'est-à-dire qui avait la même maman que Tamar, Absalom savait qu'il y avait quelque chose. Il dit tout de suite, C'est Amnon qui t'a fait ça. C'est... Et Amnon, Absalom, s'il sait qu'il a, c'est son demi-frère Amnon qui a violé sa sœur, il va en éprouver une grande colère. Il va nourrir une vengeance, nous allons voir. Mais il n'est pas très, très intentionné non plus pour sa sœur. Il lui dit, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Autrement dit, bon, c'est ton frère qui a fait ça, mais il ne faut pas en faire une histoire. Si, il faut en faire une histoire. Parce que sa vie était ruinée à Tamar. C'était encore pire qu'aujourd'hui, elle ne pouvait pratiquement pas trouver de mari et elle devait vivre avec son déshonneur. Rappelez-vous qu'il avait chassé Amnon avait chassé Tamar en faisant appel à son domestique, en donnant l'impression que c'était elle qui était responsable. Et là aussi, souvent, les garçons vont vous faire porter la culpabilité de leur geste en disant que c'est parce que vous, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous êtes belle. Là aussi, votre responsabilité, c'est de ne pas porter des vêtements ou des maquillages qui vous présentent comme quelqu'un qui recherche aussi une relation sexuelle. Et donc, Absalom, il est. On verra que c'était pas quelqu'un d'une grande moralité non plus. Et le pire, c'est qu'il est dit que verset 21, le roi David a pris tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar, parce qu'il avait violé. Ça, c'est du second révisé, c'est un peu vieux comme terme, il avait fait violence. Non, il avait violé purement et simplement sa sœur Tamar. Et pendant 2 ans, Absalom va nourrir cette vengeance, cette haine. David ne va rien faire. Il est en colère, mais il ne dit rien à Amnon, qui est le prince héritier. Et lisons rapidement verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici donc que ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs veuillent bien venir chez ton serviteur. » Il y a la tonte des moutons qui est toujours une occasion de fête. On l'avait déjà vu avec des histoires de David et Nabal. Et Absalom va faire une fête et donc il demande au roi de venir l'honorer de sa présence. Et verset 25, le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous soyons à ta charge. » Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller, il le bénit. Absalom dit, « Permets-moi du moins à mon frère Amnon de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Mais sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils du roi. Absalom donna cet ordre à ses jeunes gens, « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors mettez-le à mort. Soyez sans crainte, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Soyez forts et vaillants. » Les jeunes gens d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, cette nouvelle parvint à David. Absalom, dit-on, a tué tous les fils du roi. Il n'en est pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon seigneur ne dise pas qu'on a fait mourir tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. » Et c'est l'effet d'une décision d'Absalom depuis le jour où Amnon a fait violence à sa sœur Tamar. À présent, que le roi, mon seigneur, ne prenne pas la chose à cœur en se disant que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Voici qu'une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent, c'est bien ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, les fils du roi arrivèrent, ils se mirent à sangloter, le roi aussi, et tous les serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom avait pris la fuite, il alla chez Talmaï, fils d'Ammihoud, roi de Geshour. Et David porta tous les jours le deuil de son fils. Absalom, qui avait pris la fuite pour aller à Geshour, y resta 3 ans. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. L'épée continue à régner dans la maison de David. Les conséquences de son péché avec Bathsheba, il avait commis l'adultère. Amnon va violer sa sœur. Il avait commis le meurtre contre Uri. Maintenant, c'est Absalom qui va tuer son demi-frère Amnon après avoir nourri une vengeance pendant 2 ans. Encore une fois, on voit que David n'a rien fait, il n'a pas repris ses enfants. Et Absalom s'est gardé de montrer sa colère à son frère Amnon pendant ces 2 ans. Et il imagine lui aussi un stratagème, un peu comme David avait eu recours à des stratagèmes pour essayer de couvrir son crime avec Bathsheba et Uri. Là, il utilise l'occasion d'une fête pour faire venir son frère. D'abord, il demande à son père de venir et son père lui dit non, on va pas venir. Et ce qui me surprend, c'est que il y a un petit doute quand même dans l'esprit de David, sans doute lorsqu'il lui dit « Mais pourquoi tu invites Amnon ?» Parce qu'ils avaient chacun plein de monde à inviter, il n'y avait pas besoin d'inviter ce demi-frère. Mais il est simplement dit, devant l'insistance d'Absalom, le roi cède encore. Et Absalom fait boire du vin à Amnon, et là il le fait exécuter par ses hommes. On entend parler de nouveau de ce Yonadab, cet ami d'Amnon, triste sire, qui rassure le roi. Non, en fait, ce n'est pas si grave que la rumeur le proclame. Tous tes fils ne sont pas morts, c'est juste Amnon. Et pourtant, Amnon, c'était soi-disant son ami, c'était sans doute son ami de péché, de délit. Et Absalom prend la fuite, va se cacher, il va rester 3 ans à l'écart de son père. Et puis, les autres frères reviennent, et là, c'est la grande douleur, les grands pleurs. Et puis, ça se termine par le roi cesse de poursuivre Absalom. Il ne va pas non plus prendre de mesures contre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Et on se dit, attends, c'est cet homme qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et on voit tout ce qui se passe dans sa famille. On se dit, sans doute David n'était qu'un hypocrite. Non, David n'était pas un hypocrite. Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Il a grandement utilisé David. David est dans la lignée de Jésus. Il est connu pour être l'auteur des psaumes, merveilleuse intimité avec Dieu le Créateur qui nous inspire aujourd'hui. Non, David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Mais, encore une fois, la Bible est tellement honnête. La Bible nous montre des familles dysfonctionnelles. Et on est toujours surpris, toujours choqué de voir des grands hommes de Dieu se révéler comme être des mauvais parents, des parents très mauvais, même des fois. Il suffit de quelques rappels. Vous vous rappelez d'Abraham avec Isaac, le fils qu'il avait eu avec Agar, l'Égyptienne. Plutôt Ismaël, le fils qu'il avait eu avec Agar, et puis son fils Isaac qu'il avait eu avec Sarah. Comment il y avait une jalousie entre les deux, comment il n'avait pas pu régler ça, il s'était laissé manipuler, il était un mauvais parent. On voit les fils d'Abraham, Isaac et Jacob, plutôt Jacob et Ésaü, qui se disputaient, qui se mentaient. On voit les 12 fils de Jacob, les patriarches, toute la corruption dans leur vie, les mensonges. On voit les enfants du frère de Moïse, Aaron, le grand prêtre, le premier grand prêtre. Ses deux fils, Nadab et Abihu, qui ont offert des sacrifices étranges et qui ont reçu le feu de Dieu, qui ont été brûlés par le feu de Dieu, détruits par Dieu. On a vu plus récemment Élie, le grand prêtre. Il est dit que c'était un grand homme, c'est lui qui avait élevé le petit Samuel. Et pourtant, ses deux enfants, il est dit que c'était des vauriens, Ophni et Phinéas. Samuel était devenu ce grand prophète. Et pourtant, lorsqu'il est devenu vieux, Israël n'a pas voulu de ses fils pour régner sur eux. Ils ont voulu un roi comme tous les autres. Et ça a donné Saül, et puis après David. Et on voit David qui est le plus mauvais des pères avec cette famille, avec toutes ses femmes et tous ses enfants et ses concubines. Et on voit la pagaille et le malheur, le problème qui en résulte. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi ? Pourquoi ces grands hommes de Dieu sont-ils si nuls avec leur famille ? J'aime bien la réponse que j'ai entendue d'un pasteur de Calvary, Don McClure, un très grand prédicateur, qui dit qu'en fait, le problème, c'est qu'élever des enfants, c'est la chose la plus difficile qui soit au monde. Pour vous qui êtes parents, vous avez déjà peut-être une appréciation pour la difficulté d'élever des enfants. C'était le président Roosevelt qui avait une fille qui avait causé quelques scandales parce qu'elle s'était remariée, elle avait divorcé. Je crois qu'elle s'appelait Anna ou Anna Allison. Non, Anna Eleanor. Et des journalistes essayaient de lui dire comment ça se faisait que lui, qui a fait 4 mandats de président aux États-Unis, qui était un homme qui a sorti les États-Unis de la crise économique, un grand homme politique, un des plus grands hommes politiques qui ait jamais existé, Franklin Delano Roosevelt. Les journalistes lui disaient comment ça se faisait qu'il avait tant de problèmes dans sa famille. Et il leur répondait, Franklin Delano Roosevelt peut soit élever Anna Eleanor, soit gérer le pays, mais il ne peut pas faire les deux choses à la fois. Et c'est vrai que gérer une entreprise, c'est difficile, mais au moins, on peut définir des buts, on peut faire un plan, on peut embaucher des gens qui se conforment à ce plan. S'ils ne donnent pas satisfaction, on peut les mettre à la porte, en rembaucher d'autres. Les parents se disent, non, c'est pas possible, je ne peux pas renvoyer tel fils ou telle fille, je dois les garder. Il n'y a pas de plan commun. Qu'est-ce qui nous définit ? Est-ce que c'est de faire du profit ? Qu'est-ce qui nous définit comme famille ? Et puis il y a aussi le fait que chacun est différent, chacun des enfants est différent, il répond à une motivation différente. Pour certains, ça va être les compliments. Quand Tonio était plus jeune, je lui faisais des compliments et il voulait faire encore mieux. Son frère, les compliments, il s'en moquait. Par contre, si je lui promettais de l'argent pour faire quelque chose, alors là, j'arrivais à le motiver. Chaque enfant est différent. Et ce qui est terrible aussi, c'est que ils apprennent nos péchés. Ils prennent nos péchés, ils les adoptent. Parce que quand ils naissent, aussi mignons soient-ils, ils sont des fils d'Adam, ils sont des fils de la chair, ils sont des pécheurs. Et il remarque tout de suite le péché chez nous. David avait fait des choses super, il avait bien géré, il avait été sage, il était très courageux. Mais ce que ses enfants ont imité, c'est ses péchés. Et on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à dire non. Je n'ai pas dit à Sébastien, non, Sébastien, tu ne dis pas non, tu dis non. Allez, répète, non. Non, il savait faire ça tout seul. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre à Tonio à dire non, c'est à moi, je ne te prête pas. Ça vient tout seul. Et les enfants sont très rapides à voir nos péchés, nos fautes, et à les reproduire dans leur vie. Vraiment, élever des enfants, c'est une très lourde tâche, et chaque parent peut le confirmer. Et encore une fois, je pense aux mamans ou aux papas célibataires qui n'ont pas l'autre. Sachez que c'est difficile, mais c'est difficile même quand vous êtes deux. Et qu'en fait, c'est impossible sans l'aide de Dieu. Pour élever nos enfants, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous en remettre à Dieu, à sa parole, à tous les conseils. Je me réjouis de ce que Daniel a le désir d'inculquer aux parents des préceptes de la parole pour élever les enfants. Et une des clés dans l'éducation des enfants, c'est le pardon. Que les enfants pardonnent les parents, ça veut dire que vous leur demandez pardon et que vous les pardonniez lorsqu'ils font des fautes. Et si on peut se pardonner les uns les autres, alors Dieu peut agir. Et si David avait été prêt à être responsable de la discipline de ses enfants, il les aurait punis et ils se seraient pardonnés après le châtiment. Toutes ces choses n'auraient pas dégénéré comme elles ont commencé à dégénérer. Et là, on a juste vu le début de ces problèmes dans la famille de David. Et le problème, on a souvent tendance à penser quand on est né jeune, quand on est enfant, que notre vie est gâchée par nos parents. Et puis quand on est parent, on a tendance à penser que notre vie est gâchée par nos enfants. Et le problème, ce n'est pas nos parents ou nos enfants, le problème, c'est que nous sommes nés. Et lorsque nous naissons pécheurs. Nous sommes entourés par des pécheurs, nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Et les parents, il y en a qui vont être, vous allez les juger trop stricts ou trop libéraux, trop riches, trop pauvres. Non, le problème, c'est notre péché propre. Mais pour vivre au milieu de pécheurs, la clé, c'est le pardon devant Dieu. Certains peuvent même nourrir des ressentiments vis-à-vis de personnes qui sont mortes. C'est la faute à mon père qui est mort. Où est-ce que ça va vous mener d'être en colère avec votre père qui est mort? Et une chose qui me surprend aussi, c'est qu'on voit que David ne parlait pas beaucoup à ses enfants. Et c'est encore une fois, quand je prêche, je me prêche à moi-même. Et je sais que c'est toujours un domaine sensible et douloureux pour moi et sans doute pour d'autres. C'est la relation, le temps que vous mettez dans la relation avec vos enfants. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es le Père parfait. Et combien nous avons besoin de toi, Seigneur, pour élever nos enfants, dans nos relations avec les personnes du sexe opposé. Merci pour ta parole qui est si directe, Seigneur, et qui nous montre la réalité telle que tu la vois, Seigneur, c'est-à-dire la vraie réalité, pas la réalité que nous imaginons sous nos passions, sous l'impulsion de nos passions, de nos esprits mal adaptés ou mal intelligents, Seigneur. Tu es la vérité, ta parole est la vérité, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui peut nous reprendre, qui peut nous corriger, qui peut nous consoler aussi. Et Seigneur, je suis sûr que ce matin, quand nous parlons de tous ces sujets, il y a des choses qui nous ont fait mal. Que ce soit dans le domaine des relations sexuelles, dans le domaine de l'éducation des enfants. Mais Seigneur, tu veux nous aider et tu veux nous apprendre à pardonner. Toi qui nous as pardonné par ton sacrifice à la croix, Seigneur, nous voulons maintenant nous souvenir de ton pardon et nous dire que comment ne pas pouvoir pardonner tous ceux qui nous ont offensés alors que toi, tu nous as pardonné le péché le plus grand et le péché qui t'a coûté le plus cher, ton propre fils Jésus. Seigneur, nous te demandons de faire le silence dans nos cœurs, de continuer à nous parler par ta parole, Seigneur. Amen.